Et voilà, c'est reparti après un bon mois de vacances. C'est la rentrée des classes également pour Podcast Science. Un petit break qui, je pense, aura fait du bien à beaucoup d'entre nous. On repart donc avec ce premier épisode de la saison 3, le 101e de l'histoire de Podcast Science. Et c'est Alan qui sera le premier de cordée ce soir. Suite à une lecture estivale, il a choisi de faire dans la psychologie avec un sujet sur l'extra et l'introversion. Que vous soyez introverti ou extraverti, vous serez donc peut-être curieux d'en savoir un peu plus sur ce qu'en disent les psychologues qui étudient nos comportements. Nous sommes le jeudi 20 septembre 2012, c'est Marco qui joue les maîtres de cérémonie, que la saison 3 de Podcast Science commence. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la chatroom. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver. J'espère que le plaisir est partagé. Donc nous avons pas mal de changements à vous dévoiler pour débuter cette saison 3, mais nous n'avons pas tout chamboulé d'un coup, pas trop pour vous perturber quand même. On a gardé notre bon vieux générique, ça vous l'avez constaté. Et puis donc je vais vous présenter le sommaire et puis vous découvrirez au fur et à mesure les nouveautés pour cette saison. Donc, on va commencer avec un dossier qu'on vous présentera donc toujours chaque semaine. Ça ne changera pas non plus. Juste la formule du dossier, on essaiera de faire plus court, plus concis. Donc, ça, on va essayer de s'y tenir cette fois-ci. Et ce soir, comme dit en intro, c'est Alan qui s'y colle. Salut Alan. Salut Marco, salut tout le monde, salut la chatroom, ça fait plaisir d'être de retour. Alors vous entendrez aussi le One Minute Pitch de notre ami Robin, qui nous parlera la semaine prochaine des fascinants nombres premiers. Et puis ensuite, vous découvrirez une première nouvelle rubrique qui s'appelle le son de la semaine. Et c'est encore Alan qui vous la présentera. Ouais, mais rassurez-vous, vous entendrez aussi d'autres membres de l'équipe. Nico s'est dévoué à la première édition de notre seconde nouvelle rubrique, le blog audio de la semaine, qui consiste à vous présenter un billet de blog scientifique que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire et dont nous pensons qu'il vaut le détour. Nico n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Il passe la soirée avec un mathématicien polonais, si vous voulez tout savoir. Venant de Nico, c'est normal, on le pardonne. Et puis après ça, vous entendrez nos rubriques habituelles. On fera un retour aussi sur la centième, puis on dévoilera les résultats du concours lancé par Nico. Puis ensuite, une nouvelle rubrique qu'Alan vous présentera. Donc vous voyez, il a pas mal bossé pendant ce mois de vacances quand même. C'est le quiz de la semaine. Alors le principe est simple, une question pour laquelle vous serez invité à proposer vos réponses par commentaire écrit ou audio, et puis les meilleurs commentaires seront diffusés la semaine d'après. Et puis bien sûr, vous retrouverez la mythique quote en anglais de Marco en fin d'émission. Bon, mais avant de commencer, alors deux annonces importantes. Quelques infos RH d'abord, rubrique départ et arrivée. Ouais, alors on va commencer par les départs. Franck nous quitte, en tout cas pour le moment. Il a un emploi du temps de fou. Il bosse dans la pharmacie, en fait il bosse dans un hôpital avec des horaires d'hôpitaux en ce moment. Il n'est pas sûr de pouvoir tenir le rythme, du coup il met le podcast en veilleuse pour le moment. Mais on l'entendra en principe à nouveau quand il aura plus de temps. Voilà donc pour le départ, et vous avez bien entendu qu'il y avait également des arrivées. Alors l'équipe a un immense plaisir, l'immense plaisir d'accueillir non pas un, mais deux nouveaux membres. Absolument, avec un membre occasionnel d'abord, c'est Robin, le pote matheux de Nico, qu'on a entendu nous présenter les théorèmes d'incomplétude de Gödel il y a quelques mois et qui nous présentera donc les nombres premiers la semaine prochaine. Robin va participer au podcast sur une base régulière, mais moins souvent que nous autres, ce sera un peu comme Mathieu, tous les 3-4 mois. Et puis la grande surprise, c'est l'arrivée d'une voix familière que vous avez déjà entendue ici dans l'excellent épisode 73 sur le transhumanisme, et puis le non moins excellent épisode 84 sur la politique. Vous l'aurez aussi sans doute entendu dans ses propres podcasts Vie artificielle, 12 minutes 2. Certains ont certainement déjà deviné de qui il s'agit, c'est bien sûr notre ami David, alias Xilrian, qui a rejoint la bande. Alors bienvenue à toi, Xilrian. Je suis très content de vous rejoindre et très flatté que vous me l'ayez proposé. C'est avec une grande joie que je rejoins l'équipe de Podcast Science. Merci beaucoup. Eh bien, de rien, le plaisir est pour nous, puis je pense que ça fera une très bonne association. Absolument. Moi, aussi. j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas te l'avoir proposé plus tôt. Vraiment, bienvenue David. Ça fait plaisir de t'avoir à bord. Ben, Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir et je pense que ça va être très sympathique de podcaster ensemble. Absolument, aucun doute là-dessus. Alors Marco avait dit deux annonces avant de commencer, donc ça c'était la première. La deuxième, c'est qu'on organise une émission en live à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes le 25 octobre prochain en partenariat avec les illustrateurs de Strip Science et Notex. Et on vous en dira plus très bientôt, on est en train de travailler sur le programme et le détail de la soirée. Mais pour le moment, ce qu'on vous propose, c'est déjà de marquer la date. Donc ce sera le jeudi 25 octobre 2012 à 19h. Si vous êtes à Paris, venez nous voir, c'est obligatoire, il faut qu'on boive une bière ensemble. Et puis si vous n'y êtes pas, venez, c'est l'occasion. Très bien, 25 octobre, il commence à faire un peu froid à Paris quand même, non? Ouais, Marco, toi t'es un homme du sud, tu peux pas Oui, comprendre. c'est ça. Bon, mais très bien, bon, on va arrêter le blabla et puis on va attaquer avec ton dossier, Alan. Alors, je te donne la parole. Ok, ça marche. Cet été, j'ai eu le temps de me mettre à jour dans mes podcasts. Et en écoutant le dernier Place de la Toile de la saison, en passant, c'est une excellente émission de Xavier Delaporte sur France Culture qui s'intéresse aux liens entre les technologies et la société, qu'il est vivement recommandé de podcaster. J'ai eu l'occasion d'entendre une interview de Clive Thompson, c'est un journaliste tech canadien qui réfléchit beaucoup sur les questions numériques et qui cassait pour l'occasion quelques idées reçues sur les formes de communication numérique qui nuiraient à la communication en face à face. Il n'arrêtait pas de répéter que la science avait découvert ceci et cela au sujet des introvertis et de leur rapport aux nouvelles technologies en citant un livre de Suzanne Cain. Alors ça a titillé en moi aussi bien l'introverti que le fan de science. La science a-t-elle effectivement quelque chose à dire sur les introvertis? Qui est cette Suzanne Cain? En tout cas, un truc est sûr au sujet des nouvelles technologies, c'est qu'elles vous simplifient parfois pas mal la vie. Je me trouvais au bord de la Baltique à 1000 milles de toute librairie anglophone et paf, 30 secondes après avoir dégainé ma liseuse 3G, j'étais en train de feuilleter ma nouvelle acquisition intitulée Quiet, the power of introverts in a world that can't stop talking ou Silencieux, le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut s'arrêter de parler. J'en ai eu pour mon argent en fait parce qu'il s'agit de trois livres en un. Un ouvrage de self-help typiquement américain, genre Comment gérer vos gosses introvertis sans faire de dégâts, bof. Une espèce de journal initiatico-intime où l'auteur raconte son propre parcours d'introverti dans un monde où l'extraversion règne en norme, rebof. Et enfin, un bon bouquin de sciences populaires représentant des années de recherche et d'enquête soigneusement documentées et agréablement présentées, même si on sent que c'est son premier essai du genre. J'ai quand même été un peu, j'ai eu un peu mal aux yeux en lisant que les souris et les rats étaient des mammifères primitifs, par exemple, entre autres boulettes du style. Bon, c'est des erreurs de débutant. Le reste du bouquin, eh Super. bien, on lui pardonne. Ouais, ça t'aurait choqué aussi, j'imagine. Ouais, oui. C'est bien sûr de ce troisième aspect du livre qu'on va parler ce soir. Donc moi j'ai appris un nombre de trucs incroyables que je soupçonnais sans doute intuitivement pour certains d'entre eux, mais sans les avoir vraiment considérés sous cet angle. Comme par exemple que les bureaux en open space réduisent la productivité et affectent la mémoire, que les entreprises qui fonctionnent le mieux ne sont pas celles dont les parents hyper charismatiques écrasent tout le monde de leur ego gigantesque, que introversion et timidité n'ont rien à voir l'une avec l'autre, que l'extraversion n'a pas toujours été la norme, que 30 à 50% de la population américaine est introvertie malgré les apparences et préférerait souvent lire un bon bouquin peinard plutôt que de socialiser à tour de bras, et que certaines cultures, notamment orientales, valorisent l'introversion plutôt que l'extraversion. Bon, bien sûr, une petite mise en garde s'impose. Les travaux présentés dans ce livre ne sont pas de la physique newtonienne. Amateur de sciences dures, il est encore temps de fuir à toutes jambes. Les travaux en psycho, s'ils respectent rigoureusement la démarche et la rigueur scientifique, sont si complexes dans leur postulat et dans le nombre de variables influençant leurs résultats que de nouveaux faits ou de nouveaux éclairages peuvent plus souvent encore que dans d'autres domaines les remettre en question. Donc ce que vous entendrez ici n'est bien sûr pas à graver dans le marbre. L'introversion dans la lignée de la sensibilité, du sérieux et de la timidité est devenue, selon l'expression de l'auteur, un trait de personnalité de seconde zone, quelque part entre la déception et la pathologie. Les introvertis vivant dans une culture qu'elle appelle de l'idéal extraverti sont un peu comme des femmes dans un monde d'hommes, c'est toujours l'image de l'auteur, marginalisées à cause d'une composante essentielle de leur identité. Et l'extraversion est un style de personnalité extrêmement attirant, mais c'est également devenu un standard oppressant auquel la plupart d'entre nous pensent devoir se conformer. L'idéal extraverti a été documenté dans de nombreuses recherches, bien que cela n'ait jamais constitué un corpus regroupé sous cette thématique-là. Les gens bavards, par exemple, sont jugés plus intelligents, plus présentables, plus intéressants et plus désirables en tant qu'amis. La rapidité d'élocution est aussi importante que le volume. Nous considérons les locuteurs rapides comme plus compétents et plus appréciables que les locuteurs plus lents. Et même le mot introverti est stigmatisé. Pourtant, sans introverti, nous dit l'auteur, nous n'aurions pas la loi universelle de la gravitation, ni la théorie de la relativité générale, on n'aurait pas non plus les nocturnes de Chopin, on ne connaîtrait pas la recherche du temps perdu, Peter Pan, 1984, E.T., Google, Harry Potter. Qu'on ait besoin d'être au calme pour travailler ou pas, la plupart d'entre nous travaillons au sein d'organisations qui insistent pour que nous travaillions en équipe, dans des bureaux sans murs, pour des employeurs qui valorisent les compétences interpersonnelles par-dessus tout, et pour progresser dans nos carrières, nous devons assurer notre propre promotion sans aucune vergogne. Alors voilà, c'est un petit peu tout ça qu'elle entend par cette notion d'idéal extraverti, c'est-à-dire que l'extraversion est devenue la norme et que finalement, que ça nous convienne ou pas, on doit s'y plier. Je pense que c'est beaucoup plus vrai aux États-Unis qu'en Europe, mais toujours est-il qu'on reconnaît quand même ici pas mal des traits. Et des éléments de sa définition. Alors, Moi, je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Alain, les gens bavards qui étaient les plus intelligents. Alors, autant je peux être un peu, éventuellement d'accord avec sur l'élocution, le rythme pour parler, éventuellement, mais par contre, pour les gens bavards, j'en doute quand même. elle cite des études dans le livre que j'ai pas choisi de reprendre dans le dossier pour des questions de temps, mais enfin je pourrais retrouver les références si ça t'intéresse. Le premier qui parle dans un meeting est perçu par les autres comme étant le plus intelligent, par exemple, et celui qui parle le plus dans une séance de brainstorming aussi, même si objectivement il n'a rien dit d'intelligent. C'est quand même l'impression qui est laissée. Alors oui, peut-être dans ce contexte-là, mais ouais, je pensais plutôt dans un contexte plus général, quoi. J'ai rencontré beaucoup de gens bavards qui font que parler, mais c'était pas vraiment intéressant, quoi. Tu vois, Ouais. c'est que je pense pas que sur les gens bavards en général, en tout cas, du coup, moi je le vois pas comme ça, quoi. D'accord. Pas du tout. Je crois qu'elle faisait surtout allusion au monde du travail, en l'occurrence, avec ces définitions-là. Voilà, dans ce contexte-là, ouais, éventuellement, je peux être d'accord. Je rejoins. Pour définir un peu plus précisément ce que sont l'intro et l'extraversion, bah, l'auteur part du concept qui a été popularisé par le psychiatre suisse-allemand Carl Gustav Jung en 1921 dans ses types psychologiques. Jung voyait l'introversion et l'extraversion comme les briques de base de la personnalité. Les introvertis sont attirés par le monde intérieur des idées et des émotions, et les extravertis sont attirés par la vie sociale et les activités. Donc ça, c'est évidemment le trait très grossier. Les introvertis se concentrent sur le sens qu'ils donnent aux événements qui les entourent. Les extravertis se plongent au cœur des événements eux-mêmes. Les introvertis rechargent leur batterie en étant seuls, tandis que les extravertis ressentent le besoin de les recharger lorsqu'ils ne socialisent pas assez. Et le fameux test de personnalité Myers-Briggs Indicator, massivement utilisé aux États-Unis justement, est basé sur la typologie de Jung. Bon, on notera au passage que si le test lui-même et ses indicateurs sont évidemment vachement controversés dans la communauté scientifique, l'axe introversion-extraversion, en revanche, a été reconnu en 1991, 1991, par l'Académie nationale des sciences américaines comme jouissant d'une forte validité. Et les psychologues modernes semblent tomber d'accord sur le fait qu'introvertis et extravertis diffèrent quant au niveau de stimulation extérieure dont ils ont besoin pour fonctionner de manière optimale. Les introvertis se sentent juste bien avec un niveau réduit de stimulation, par exemple en buvant un verre avec un ami, en jouant aux mots croisés ou en lisant un livre, alors que les extravertis se sentent dans leur élément quand ils rencontrent de nouvelles personnes, prennent des risques ou mettent la musique à fond. L'auteur y va de quelques raccourcis, histoire de fixer rapidement le décor. Elle nous dit, les extravertis ajoutent de la vie au dîner, rient volontiers à vos blagues, ils tendent à être affirmés, dominants et ont un grand besoin de compagnie. Ils pensent à haute voix, ont les pieds bien sur terre, préfèrent parler plutôt qu'écouter, sont rarement à court de sujets de conversation et occasionnellement disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ils sont à l'aise avec le conflit, mais pas avec la solitude. Les introvertis, en revanche, peuvent être doués de bonnes compétences sociales, apprécier les fêtes et les réunions de travail, mais après un petit moment, souhaiteraient être chez eux dans leur pyjama. Ils préfèrent consacrer leur énergie sociale à leurs amis, collègues et familles. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, réfléchissent avant de parler et ont souvent l'impression de s'exprimer mieux par écrit que par oral. Ils n'aiment pas trop le conflit. Beaucoup tiennent en horreur les conversations sur la pluie et le beau temps et apprécient les discussions plus profondes. Alors voilà, là je crois, Marco, qu'on est. Elle rejoint ta définition des gens qui parlent pour ne rien dire, probablement. Ouais. Mais bon, là, dans les caractéristiques que tu donnais pour les introvertis, j'avoue que je m'y reconnais pas mal quand même sur certains points. Ouais, je pense. Te connaissant, c'est un peu dans cette Ouais, catégorie-là je me que je classerai te dans cette rangerai. Ouais. catégorie-là. Bon, attention à pas confondre introversion et timidité. Tous les introvertis ne sont pas nécessairement timides. La timidité, c'est une peur de la réprobation ou de l'humiliation publique, tandis que l'introversion, bah, c'est une préférence pour les environnements qui ne sont pas surstimulants. La timidité est intrinsèquement pénible. L'introversion, pas. On peut être introverti sans être timide du tout. Elle donne l'exemple de Bill Gates, par exemple, qui semble totalement imperturbable face à l'opinion des autres. Et puis, enfin, elle nous dit que la plupart des introvertis sont hypersensibles, ou plutôt, on ne sait pas combien d'introvertis sont hypersensibles, mais on sait que 70% des hypersensibles sont introvertis. Bon, la première partie du livre raconte comment et quand l'extraversion est devenue une norme aux États-Unis. C'est très intéressant, mais je vous propose de zapper, on va se concentrer sur la partie suivante, qui se demande si l'introversion a un fondement génétique. Alors c'est la question que se sont posées des chercheurs, notamment Jérôme Kagan, un ponte de la psychologie du développement, octogénaire pour la petite histoire, et toujours actif. Il a consacré sa longue carrière à étudier le développement émotionnel et cognitif chez les enfants, et il a réalisé une série d'études longitudinales, avec une carrière pareille, il a eu le temps, qui lui ont permis de suivre les mêmes personnes de leur naissance à leur vie adulte, tout en documentant les aspects de leur physiologie et de leur personnalité. Pour l'une de ces études, démarrée en 1989 et toujours en cours aujourd'hui en 2012, Kagan et son équipe ont réuni 500 enfants de 4 mois dans leur laboratoire de Harvard en pensant pouvoir prédire au terme d'une évaluation de 45 minutes quel bébé avait le plus de chances de devenir introverti ou extraverti. Au début, moi, j'avais compris qu'ils avaient réuni des enfants pendant 4 mois. Non, non, non. Donc, j'ai entendu dire, oh, les sadiques. Non, tu as dit, en fait, c'est des enfants de 4 mois. Des enfants de 4 mois, ouais. Je ne sais D'accord. pas si tu as eu un enfant de 4 mois devant toi dernièrement. Moi, ça me semble être un pari vachement osé que de dire qu'après 45 minutes d'observation, tu peux dire s'il sera introverti ou extraverti. Mais bon, Kagan avait déjà de la bouteille en 89, puis il avait sa petite hypothèse en tête. Donc, l'évaluation consistait à faire écouter au bébé des enregistrements de voix fortes, des ballons en train d'éclater, de leur montrer des mobiles colorés bougeant à toute vitesse sous leurs yeux, de leur faire sentir des cotons-tiges imbibés d'alcool, donc des stimuli vachement, vachement forts. Et les observations ont été systématiquement recueillies. Alors, environ 20% des enfants ont pleuré vigoureusement en remuant bras et jambes. Kagan a baptisé ce groupe les hautement réactifs. Environ 40% des enfants sont restés tranquilles malgré les stimuli, donc totalement imperturbables malgré le bruit, les couleurs, les odeurs. Et Kagan leur a collé l'étiquette de faiblement réactifs. Et enfin, les 40% restants tombaient entre les deux extrêmes. Alors, ce qu'il a prédit, Kagan, c'est que les enfants hautement réactifs, donc les plus agités, ceux qui ont eu le plus de mal à supporter les stimuli, seraient probablement les adolescents les plus réservés. Ça semble un peu paradoxal quand même. Ouais, d'accord, ok. Je saisissais pas la logique au début. D'accord, je vois. Ouais, je sais pas si on va la saisir d'ailleurs. Ah tiens, je me rends compte qu'on a perdu David. Alors pour ceux qui ne nous écoutent pas en live dans la chatroom, qui ont entendu, qui nous écoutent en version podcast, vous avez loupé la première tentative d'émission de ce soir où on a déjà eu quelques ennuis, des ordinateurs qui ont grillé, des conversations perdues. Du coup, on a recommencé l'émission une demi-heure plus tard. Là, on dirait que la série noire continue finalement. On a paumé David, on va peut-être le retrouver dans quelques secondes. Bon, pour continuer. Alors, tu disais que les enfants plus réactifs à 4 mois avaient une tendance, en plus grande tendance, à être extravertis plus grands, adolescents. Ouais, les enfants les plus agités, enfants, seraient les plus introvertis plus grands. Les enfants plus calmes, bébés, face à ces stimuli, seraient les plus extravertis par la suite. Alors, les enfants sont retournés régulièrement dans le laboratoire de Kegan. À 2 ans, ils ont rencontré une dame portant un masque à gaz et un clown et un robot télécommandé, par exemple. À 7 ans, ils devaient jouer avec des enfants qu'ils n'avaient encore jamais rencontrés. À 11 ans, ils devaient raconter leur vie à un adulte qu'ils ne connaissaient pas. Et puis, l'équipe de Kegan a soigneusement noté toutes ces observations du comportement des enfants face à ces situations étranges, de leur langage corporel à la spontanéité de leur rire, leur langage, leur sourire. On a également interviewé les enfants et leurs parents pour avoir une idée de leur comportement hors du labo. Par exemple, est-ce qu'ils préféraient jouer avec un ou deux copains ou faire la fête avec tout le quartier? Est-ce qu'ils aimaient visiter des lieux inconnus? Est-ce qu'ils avaient tendance à prendre des risques ou à être prudents? Est-ce qu'ils se voyaient plutôt timides ou hardis? Et puis, au terme de l'enquête, il s'avère que les enfants sont devenus à peu près exactement ce que Kegan avait prévu. Les 20% d'enfants hautement réactifs, très agités en présence de stimuli excitants, ont développé une personnalité plutôt sérieuse et prudente, alors que les enfants faiblement réactifs, ceux qui restaient imperturbables malgré le bruit, les couleurs, les mouvements, les odeurs, ont développé une personnalité confiante et décontractée. La haute et la faible réactivité tendaient à correspondre, en d'autres termes, à l'introversion et respectivement à l'extraversion. Ok, alors vous avez peut-être entendu un enfant derrière moi tout à l'heure, je ne suis pas en train de faire une expérience, hein, je précise. Mais effectivement, on l'a entendu, donc c'est ta puce qui est encore toute petite, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, elle a un mois à peine. Elle a 1 mois, d'accord. Alors c'est encore un peu tôt pour faire les tests de Kegan. Ah, dans 3 mois, peut-être je m'y mettrai. Ouais. Voilà, on saura si elle a ses chances d'être introvertie ou extravertie. Tiens, pendant ce temps, je regarde si on arrive à récupérer David. Est-ce qu'il est avec nous? Non, peut-être pas encore. Bon, désespère. Ah, peut-être, oui. David, t'es là? Oui, je suis désolé. Ça, vous avez continué, j'espère? Bien sûr, ouais, on a continué, pas de souci. Mon PC a fait un joli blue screen. J'avais encore le Mac, mais désolé. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Comme ça, on redémarre en fanfare, malgré toutes nos bonnes résolutions. On a toujours le même genre de soucis qu'avant. Vous nous reconnaissez, c'est nous. Il y a toujours un PC qui plante ou un Skype qui fait la gueule. Chez moi, ça n'a pas encore planté. Tiens, ça va peut-être venir. Ouais, on a Oui? une question de Topo là, sur la chatroom Ouais. qui demande en fait s'ils ont observé des différences en fonction du sexe de l'enfant. C'était peut-être pas précisé. D'accord, non, il n'y avait absolument aucune indication dans le livre. Alors peut-être dans l'étude, il faudrait que je fasse un petit look-up, mais apparemment pas, non. L'auteur a l'air assez branché sur la question genre quand même. Je pense qu'elle l'aurait relevé, elle l'aurait signalé si elle avait vu quelque chose. A priori, je pense qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de. C'était pas un facteur influençant à ce niveau-là. Mais je vérifierai quand même, je ferai mes devoirs pour la semaine prochaine. Et puis pour reprendre, donc les psychologues insistent sur la différence entre tempérament et personnalité. Le tempérament fait référence à des types de réponses émotionnelles et comportementales innées, observées dans la petite enfance. La personnalité, c'est plutôt l'infusion complexe qui émerge une fois que l'influence culturelle et l'expérience personnelle ont laissé leur empreinte. Si le tempérament représente les fondations, la personnalité représente le bâtiment. Et puis bon, donc les travaux de Kegan ont permis d'établir un lien entre certains tempéraments d'enfants et les styles de personnalité d'adolescents qu'ils vont construire. Alors, en plus de mesurer le comportement des enfants face à ces situations étranges, l'équipe de Kegan a également mesuré leur rythme cardiaque, leur tension artérielle, la température digitale et d'autres propriétés du système nerveux. En fait, c'est des indicateurs qui n'ont pas été choisis au hasard. Kegan les a choisis parce qu'on pense qu'ils sont contrôlés par un organe puissant au sein du cerveau qu'on appelle l'amygdale ou le complexe amygdalien, qui est commun à tous les mammifères au sein du système limbique et qui contrôle mémoire, émotion et réponse au stress, entre autres. L'amygdale, c'est en quelque sorte la table d'aiguillage des émotions. Elle reçoit l'information via les sens et commande les réponses au système nerveux. La fameuse réponse combat-fuite, fight or flight en anglais, en est le meilleur exemple. face à un tigre à dents de sabre, ben, on n'a pas 2 heures pour réfléchir à 36 variantes de stratégie. Il faut soit l'affronter, soit s'enfuir, et c'est l'amygdale qui se charge de cette décision quasi réflexe chez les mammifères. Donc c'est par l'amygdale que passe en fait le chemin du réflexe. Quand par exemple on entend un gros bruit qui nous surprend, C'est exactement ça. l'information est en fait passée par les amygdales, quoi. C'est ça. Tu chopes la grosse Enfin, le, boulot. Ouais, pardon, alors il y a l'amygdale, Topo qui les précise amygdales, dans la parce qu'il y en a deux. chatroom. Il y en a deux, c'est vrai. On parle de l'amygdale ou du complexe amygdalien pour pas confondre avec les amygdales qu'on a au fond de la gorge. Ouais, ne pas Mais confondre. c'est effectivement ça. Quand tu sens cette espèce de boule au ventre, comme ça, cette réaction de stress spontané, c'est un coup de ton amygdale, ouais. Voilà, Bien connu. En quelques fractions de seconde, finalement, tu prends la décision soit de t'enfuir à toutes jambes, ou bien l'amygdale est capable d'évaluer si tu as tes chances dans un combat, mais c'est quelque chose qui est pas du tout conscient. On prend d'abord, l'amygdale prend cette décision, et puis on la rationalise après. Alors, l'hypothèse de Kagan, c'était que les enfants nés avec une amygdale particulièrement sensible seraient ceux qui s'agitent face à des stimuli inhabituels et qui grandiraient de sorte à devenir vigilants lors de rencontres avec des inconnus. Et c'est exactement ce qu'il a trouvé. Plus l'amygdale d'un enfant est sensible aux stimuli et plus les réponses physiologiques sont élevées. Donc on parle du rythme cardiaque rapide, d'une production importante de cortisol, par exemple, c'est l'hormone du stress, et globalement une plus grande agitation. Bon, attention, ceci dit, il faut pas s'emballer. Kagan n'a pas observé une relation un pour un entre les hautement réactifs et les introvertis. Il s'agit d'une prédisposition. On sait en psychologie qu'aucune prédisposition physiologique ne permet de prédire un quelconque comportement avec un taux de plus de 50%. Ouais, puis il y a certainement aussi beaucoup de détails qu'on néglige, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais alors voilà. Enfin, ce que je voulais dire par cette mise en garde, c'est que le destin des hautement réactifs est influencé à part égale par leur environnement. Il y a pas que les jeunes, quoi. Enfin, même s'il y a une prédisposition, après, l'environnement, l'éducation, etc., compte énormément. Et peut-être plus encore que pour la moyenne des enfants, justement, selon une nouvelle théorie qui s'appelle l'hypothèse de l'orchidée. Alors, l'hypothèse de l'orchidée, vous allez me demander ce que c'est. Ah bah oui, tiens, le nom est intrigant en tout cas. Ouais, bah c'est le nom qu'a donné un journaliste américain, David Dobbs, dans un article de l'Atlantique, qui est en lien sur le dossier, à une nouvelle théorie qui bouleverse plein d'idées dans l'éducation. Alors l'idée en gros, c'est la suivante. La plupart des enfants seraient un peu comme de la dent de lion. Si, si, c'est l'exemple du texte original. Donc, quelles que soient les conditions, ils se débrouillent toujours pour trouver ce dont ils ont besoin, à se développer et en quelque sorte fleurir. Mais d'autres, incluant les hautement réactifs de Kagan, sont davantage comme des orchidées. Ils dépérissent pour un rien, mais dans des conditions favorables, ils peuvent devenir superbes. Alors bon, personnellement, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce genre d'image. Je trouve la métaphore très mal choisie, mais enfin, voilà, je saisis l'idée. Selon Jay Belsky, professeur de psychologie à l'Université de Londres, expert en éducation de la petite enfance et justement l'un des principaux partisans de cette théorie, le système nerveux de ces enfants les rend rapidement submergés par les adversités de l'enfance, mais leur permet également de tirer parti d'un environnement favorable plus que d'autres enfants. En d'autres termes, ces enfants orchidées sont impactés de manière plus prononcée que les autres par leurs expériences, aussi bien positives que négatives. Alors, on savait depuis longtemps que les tempéraments hautement réactifs sont vulnérables à de nombreux risques et qu'ils ont plus de chances que leur père de réagir à de grosses difficultés de l'enfance, telles que des tensions conjugales permanentes, par exemple, ou la mort d'un parent. Ils ont plus de chances donc d'y réagir par des épisodes de dépression, par de l'anxiété ou de la timidité. Mais d'ailleurs, en effet, un quart des enfants hautement réactifs de Kagan souffrent à divers degrés de phobie sociale. Mais la nouveauté qu'amène cette théorie, et qui est confirmée par plusieurs études, c'est que l'inverse est également possible. Donc, dans le bon environnement, ces enfants tendent à avoir moins de problèmes émotionnels et davantage de compétences sociales que leurs pairs faiblement réactifs. Ils sont empathiques, coopératifs, facilement perturbés par la cruauté, l'injustice et l'irresponsabilité. Et puis, leurs entreprises sont couronnées de succès lorsqu'elles concernent des choses qui comptent vraiment pour eux. Et l'une des découvertes les plus intéressantes rapportées par Dobbs dans son article vient du monde des macaques rhésus, qui sont génétiquement très proches de nous et qui ont des structures sociales qui ressemblent pas mal aux nôtres. Il se trouve qu'on partage notamment le gène 5-HTT-LPR, ça parlera aux spécialistes, qui est impliqué dans le transport de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui affecte l'humeur. Et ce gène existe en deux versions. Il y a l'allèle long et l'allèle court. La version courte est associée avec la haute réactivité, justement, et l'introversion, donc, et puis également avec la dépression chez les humains qui ont une vie difficile. Puis alors, lorsque des bébés rhésus avec l'allèle court ont été soumis à des stress importants, par exemple être séparés de leur mère et élevés comme des orphelins, bah, ils ont traité la sérotonine de manière moins efficace que des singes à l'allèle long soumis au même traitement. Et c'est justement un facteur important de risque pour la dépression et l'anxiété. Par contre, les jeunes singes avec le même profil génétique, donc l'allèle court, et donc le même risque, élevés par des mères aimantes, s'en sont sortis aussi bien, voire mieux, que leur père à l'allèle long, même lorsqu'ils ont été élevés dans un environnement sécure comparable. S'en sortaient mieux donc dans l'accomplissement des tâches sociales, comme trouver des compagnons de jeu, forger des alliances, gérer les conflits. Ils sont souvent devenus d'ailleurs les leaders de leur groupe et leur traitement de la sérotonine était plus efficace. Et selon Steven Suomi, l'éthologue qui a conduit ces recherches, les singes hautement réactifs doivent leur succès à d'énormes quantités de temps passé à observer plutôt qu'à participer. Comme s'ils intégraient au niveau le plus profond les lois de la dynamique sociale avant de la mettre en pratique. Et en arrivant du coup en tant qu'expert. Et puis on a observé le même type de corrélation chez les humains, évidemment pas dans les mêmes conditions, heureusement, mais bon, on va pas développer ça ici. Alors voilà, j'arrive gentiment au bout. J'ai repris quelques-uns des éléments du livre. Bien sûr, j'aurais pu en prendre d'autres. Les expériences d'Ising en 1967, par exemple, qui montraient que les réactions physiologiques des introvertis et des extravertis à qui on fait lécher du citron étaient objectivement très différentes. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais comme tu l'as dit en intro, Marco, on est parti pour faire des dossiers plus courts en saison 3. On verra combien de temps on arrivera à tenir à cette nouvelle résolution. Et puis, bah, si vous souhaitez approfondir, évidemment, le livre est dispo dans toutes les bonnes librairies, puisqu'on peut même se le procurer au bord de la Baltique. Moi, j'en ai retenu pour ma part qu'effectivement, on vit dans un monde où l'extraversion est mieux perçue que l'introversion. Que les chercheurs, par exemple, trouvent leur financement grâce à la qualité de leur pitch, que les politiciens sont élus sur leur tchatch, que les patrons le deviennent grâce à leur charisme, mais que l'introversion n'est pas une tare pour autant. On n'est pas forcément sociopathe parce qu'on n'aime pas le réseautage ou les conversations sur la pluie et le beau temps. Voilà. En tant que geek solitaire, je dois avouer que je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle que j'avais envie de partager, me disant que si vous écoutez des podcasts scientifiques là où d'autres papotent, dans le train et dans le métro, bah, ça vous fait sans doute plaisir aussi. On peut voir l'introversion comme une stratégie évolutive différente. D'ailleurs, on trouve dans le monde animal des dizaines d'exemples selon l'auteur. Hein. Je ne suis pas allé fouiller dans les recherches, mais j'ai de bonnes raisons de la croire. Des dizaines d'exemples d'organisation complémentaire entre les attitudes prudentes et réservées, privilégiant l'observation à l'action, et des attitudes plus intrépides, résolues, téméraires. Qu'il s'agisse de la drosophile, la fameuse mouche du vinaigre, du chat domestique, de la chèvre de montagne, de certains oiseaux, de certains poissons, de beaucoup de primates, les chercheurs ont constaté qu'on y trouve presque toujours quelques 20% d'individus qui ont l'air d'être plus lents au démarrage et quelques 80% prompts à passer à l'action. On est probablement, c'est ma petite conclusion, la seule espèce à avoir oublié en quoi ces stratégies différentes peuvent être complémentaires et à quel point il peut être intelligent de les faire coexister. Voilà. Bien, ben très bien. Ben en tout cas, je suis content d'apprendre que je suis pas forcément un psychopathe. Ah, tu vois, ça fait plaisir. J'étais sûr que ça ferait plaisir à au moins une personne ici ce soir. Ben, écoute, c'est intéressant, très, très intéressant ton dossier, Alan. Alors, c'est vrai que c'est un peu, on va dire, c'est un sujet un peu périlleux à prendre parce que c'est souvent soumis au débat vu que c'est pas une science exacte comme tu l'as dit. Mais bon, on observe quand même des tendances, quoi. Ça, c'est ce qu'il faut en retenir surtout. Ce sont des tendances, ce n'est pas des faits exacts, quoi. C'est un facteur parmi d'autres. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est Mais ça. oui, c'est intéressant. En tout cas, ouais, il y avait pas mal de personnes sur la chatroom qui soulignaient l'importance du contexte social, mais en fait, tu l'as fait aussi pendant l'émission. Donc, mais non, moi, comme ça, L'idée que j'avais en tête, c'est j'aurais été intéressé par savoir dans quelle mesure ça va affecter des formes de sociabilité qui vont pas être directes, genre sociabilité sur Internet, sociabilité qui ne demande pas du contact humain, savoir si ça joue pareil ou si justement ça joue sur quelque chose de beaucoup plus direct, nécessitant un contact. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Écoute, elle l'a pas tellement développé en fait dans le livre, mais c'est marrant. Si tu as l'occasion d'écouter Place de la Toile, justement, que je citais au tout début du dossier, la fameuse interview de Clive Thompson, lui, il a rebondi sur ses travaux et puis il a travaillé sur ses propres observations. Il a une théorie sur le sujet. Comme quoi les introvertis, justement, auraient trouvé un nouveau moyen de socialiser à travers les médias sociaux, que le fait de pouvoir, tu vois, relire ta phrase avant de l'envoyer, les incite à entrer en contact, ce qu'ils n'oseraient pas forcément faire en face à face, parce que voilà, t'as qu'une chance de ne pas dire une bêtise. Ouais, les introvertis en situation de stress ont un peu de tendance à perdre leurs moyens, quoi. Enfin, là, je peux livrer mon propre témoignage d'introverti dans ces situations-là. Il y a des moments où il me passe juste rien dans la tête, tellement je stresse pour essayer de trouver quelque chose d'intelligent à dire. C'est vrai que c'est un truc qui m'arrive pas à l'écrit. Et du coup, voilà, je pense que je suis probablement enfin, moins inhibé à travers ce type de technologie qu'en face à face. On peut voir ça comme une forme de prudence, en fait, enfin une prudence sociale. Oui, bah ça c'est justement le postulat de l'auteur. C'est que les introvertis sont plus prudents, quoi, que cette manière d'observer avant de passer à l'action est effectivement une forme de prudence. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans des comportements animaux. Bon, alors le dossier est en ligne, bien sûr ouvert aux commentaires. Là, je pense que d'un point de vue scientifique, c'est probablement des choses un peu controversées. Mais d'un point de vue humain, je pense que ça peut être vachement intéressant d'en discuter. Donc n'hésitez pas, le dossier est déjà en ligne maintenant, vous pouvez commenter par écrit, vous pouvez commenter par audio aussi, si vous souhaitez le faire, depuis quelque temps. On attend d'ailleurs avec impatience les premiers commentaires audio. Et Marco, je te propose Ouais, on qu'on passe à la passe à la suite suite. alors. Ouais? Allez. Eh bien, on va écouter maintenant le pitch de Robin, en fait, pour son dossier de la semaine prochaine. Voilà, donc Robin n'est pas avec nous, mais il a enregistré son pitch, il nous l'a envoyé. On l'écoute maintenant. Bonsoir à tous. La semaine prochaine, les nombres premiers. Bon, a priori, tout le monde a appris un jour ou l'autre à l'école ce que c'était que les nombres premiers, mais bon, comme on s'en sert pas tous les jours, il y en a peut-être qu'on oubliait. Un nombre premier, je rappelle, c'est un nombre qu'on ne peut diviser que par 1 et par lui-même. Bon, a priori dit comme ça, c'est pas génial, génial, super passionnant. Alors pourquoi est-ce qu'on leur donne autant d'importance? On leur donne de l'importance depuis longtemps, puisque dès l'Antiquité, on les avait repérés. Et aujourd'hui encore, il y a des questions sur les nombres premiers, des questions relativement simples pour certaines, et même certaines qui datent de l'Antiquité, auxquelles on ne sait toujours pas répondre. Et c'est un domaine de recherche très très actif. Alors quelques questions que j'espère un peu intrigantes pour vous appâter. 1 est-il premier? Est-ce qu'un nombre pair peut être premier? Qu'est-ce que 1,398 10 puissance 316 vient faire dans cette histoire? Est-ce qu'il n'y a que des nombres qui peuvent être premiers? Et surtout, alors la question la plus importante, je doute qu'on y réponde, puisque si on y répond, on gagne 1 million de dollars, j'y crois pas trop. Est-ce que Bernard avait raison? Voilà, la question est lancée. Bon, on n'a pas forcément la réponse, mais on n'a pas vraiment la question non plus. Donc, vous l'aurez deviné, c'est un ami de Nico. Exactement, Robin, c'est les mathématiques. Si on était un peu dans le flou cette semaine, on sera dans les maths dures la semaine prochaine. C'est cool, moi j'aime bien ce genre de dossier. Ouais, moi j'adore les nombres premiers en plus. C'est toujours très stimulant. Ça Ok. donne envie. Eh bien, on va passer maintenant à notre nouvelle rubrique, hein, une première dans Podcastien, donc le son de la semaine. Alors, je vais vous le faire écouter, le son de la semaine, le voici. Alors, ce cuicui a l'air tout à fait ordinaire est celui du moineau sous le cygne, Petronia petronia. En général, le chant d'un oiseau mâle lui permet de faire connaître son intention de mettre fin à son statut de célibataire si une femelle veut bien s'intéresser à lui. Et ben là, une récente recherche portant sur des moineaux sous le cygne des Alpes françaises indique que ce n'est pas forcément le cas. En effet, cet oiseau offre une exception à la règle. Sa roucoulade peut également signifier qu'il vient de se faire rejeter. Quand les chercheurs ont comparé le chant d'un mâle donné à son succès reproductif, ils ont trouvé des surprises assez subtiles. Les vieux moineaux, par exemple, qui ont un chant plus lent et plus aigu que leurs jeunes concurrents, sont ceux qui produisent le plus de poussins. Et ça suggère que les femelles utilisent d'autres signaux, comme l'apparence physique peut-être, pour choisir le meilleur mâle. Et les mâles dont les compagnes viennent de se choisir un autre compagnon chantent plus fort que les mâles dont la femelle est restée fidèle, ce qui constitue le premier cas de lien inverse entre le volume du chant et son succès au nid, si j'ose dire. C'est une recherche qui a été publiée il y a quelques jours dans le journal PLOS ONE. Vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. Bon, il semblerait toutefois que le mâle ne chante pas ses regrets. Comme tout bon piaf qui se respecte, il ne regrette rien. Selon les chercheurs, il s'agirait plutôt d'une tentative désespérée de faire revenir sa partenaire. En somme, c'est une version moineau de Ne me quitte pas. Voilà, j'ai trouvé cette histoire dans le 60 Second Science podcast du Scientific American du 11 septembre 2012. Là aussi, vous trouverez le lien dans les notes de l'émission. Alors, est-ce qu'il y a une différence si les oiseaux sont introvertis ou extravertis? C'est exactement la question qu'il aurait fallu se poser. Je ne sais pas. C'était pas un angle qui manifestement intéressait les chercheurs. Ils n'avaient pas encore entendu l'épisode de ce soir de Podcast C'est pour Science. ça, ben oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, en tout cas, ben, c'est cool. Donc, c'est une nouvelle rubrique qu'on essaiera de faire chaque semaine, dans chaque épisode. On vous diffusera un son. Et puis voilà, donc on passe à la deuxième nouvelle rubrique. C'est l'audioblog de la semaine. Alors ça, c'est Alan et Nico qui ont beaucoup travaillé pour ajouter cette rubrique. Cette semaine, c'est Nicolas qui s'est collé à l'audioblog. On l'écoute. Blog audio d'un article de Pierre Kerner dans son blog Saft, SSAFT.com, qui s'appelle Freaky Friday Parasite, l'attaque des moules parasites. Vous ne regarderez plus les moules de la même façon. Une petite introduction sur ces mollusques s'impose. Les moules désignent en fait plusieurs familles cousines appartenant au gigantesque groupe des bivalves, chez qui on retrouve notamment les huîtres et les coquilles Saint-Jacques. Première information qui est susceptible de vous surprendre. Une de ces familles est exclusivement composée de bivalves d'eau douce, du sakicoque donc, pour ceux qui connaissent le mot. Il s'agit de la famille des unionoïdes. Ces moules, qui sont le plus souvent perlières, ont pullulé dans les rivières et les lacs de presque tous les continents, même si aujourd'hui elles sont menacées par d'autres moules, comme la moule zébrée, ou par la pollution. C'est vraiment bien dommage, parce que ces moules, je n'ai pas peur de le dire, sont fascinantes. Pour être plus précis, c'est leur cycle de vie qui en fait des organismes vraiment hors du commun. En effet, les moules sont d'ordinaire bien fixées sur leur support. La prolifération d'une moule à un endroit donné génère alors une compétition farouche pour se nourrir. Un moyen de pallier à ce problème est la dissémination, et chez les unionoïdes, les mécanismes de dispersion ont atteint des niveaux de complexité sans pareil. Mais ne brûlons pas les étapes. Le cycle de vie commence avec la libération de gamètes. Les moules d'eau douce ont une reproduction sexuée, avec des individus mâles et femelles bien distincts. Le fait que mâles et femelles puissent être fixés à des endroits différents a entraîné l'émergence de mécanismes incroyables pour assurer la reproduction. Les mâles, après avoir perçu la présence de femelles qui ont sécrété une hormone lorsqu'elles sont fertiles, vont éjecter leurs spermatozoïdes dans l'eau, mais pas n'importe comment, sous forme de boules de sperme, spermatozoïdes ugmata, à la surface desquelles les spermatozoïdes sont en fait collés les uns aux autres et battent frénétiquement de leurs flagelles pour faire avancer l'édifice. Les moules femelles vont ensuite filtrer l'eau, c'est ce qu'elles font tout le temps pour se nourrir, et récolter les spermatozoïdes qui vont fertiliser les œufs. Une fois fécondés, ces œufs viennent mûrir dans des branchies modifiées de la femelle appelées branchies marsupiales. Les embryons se transforment peu à peu en larves appelées glochidae. Et ce sont ces larves qui vont parasiter quelques poissons trop gourmands. Le rôle de cette morphologie fortement spécialisée est très simple. À la première opportunité, les larves, une fois écloses, vont chercher à se refermer sur un support nutritif. Et quoi de plus idéal alors que les branchies de poissons? Elles vont d'une part offrir aux larves du sang gorgé de nutriments, et d'autre part, permettre un essaimage des juvéniles et permettre alors de s'éloigner de leurs parents. Chaque glochidium va être enkysté à la surface de branchies. La plupart des espèces du nyonoïde sont spécifiques à une espèce de poisson. L'enkystement ne se fait pas dans d'autres espèces. Elles ont donc alors établi une relation très étroite de parasitage avec leur hôte. C'est dans cela que le cycle de vie des nyonoïdes est unique. Il reste cependant un problème à résoudre. Pour que le parasitage puisse avoir lieu, les glochidas ne savent pas nager et les moules d'eau ont donc dû bénéficier d'innovations évolutives pour établir des stratégies afin d'asperger les poissons de leurs larves. C'est maintenant qu'on rentre dans la véritable science-fiction. C'est un véritable festival d'ingéniosité que nous offrent les unionoïdes. Il y a tout d'abord le piège à poisson. La moule femelle se referme sur la gueule d'un poisson trop curieux. La bouche du poisson est alors en contact direct avec les branchies marsupiales de la femelle qui relarguent des bataillons de glochidae. Le poisson est contraint d'avaler ses larves. Elles passent de la bouche du poisson vers les branchies sur lesquelles elles viennent se fixer. Au bout d'un moment, la femelle lâche prise et le poisson, un peu sonné, s'enfuit. Les branchies garnies de larves de moules. Ce qui rend le phénomène encore plus fascinant, c'est que la force de la capture est dosée pour sélectionner l'hôte parfait pour les glochidas d'Epio Blasma trichera. Une espèce de poisson au crâne plus fragile sera tuée sur le coup, et une espèce plus robuste se détachera plus facilement. Une autre espèce de moule, Epio Blasma turulosa, utilise le même principe. Mais elle utilise un accessoire qui rend le processus encore plus perverse, des coussins qui étouffent la proie. Le poisson va commencer à suffoquer, puis, lorsqu'il sera relâché, il devra reprendre son souffle et c'est à ce moment que la moule l'aspergera tranquillement de ses bébés. Vous commencez à comprendre pourquoi ces moules sont incroyables? Sinon, elles sont encore pleines de ressources pour vous épater. Comment rester stoïque, par exemple, lorsque certaines d'entre elles présentent une extension de leur manteau, l'épiderme qui sécrète la coquille, qui ressemblent à des proies comme des poissons ou des écrevisses. Le principe est simple, le poisson hôte se jette sur ce leurre et est perdu. Il croque dans un sac de glochidae qui envahissent ses branchies. L'Ampsilis perovalis est allé encore plus loin dans la technique du leurre. Cette fois-ci, l'ensemble du manteau externe, qui a toujours l'apparence d'un poisson, se détache partiellement du reste de la mer, uniquement relié à elle par un long filament gélatineux. Résultat, le leurre est agité par le courant et ressemble à un poisson en train de nager. D'autres espèces de moules d'eau douce sécrètent une gange autour du glochida pour former des sacs qu'on appelle des ovisacs. La femelle les expulse lorsque les glochidas à l'intérieur sont matures. Mais pour que celles-ci se fixent sur des branchies de poisson, il faut que ses victimes dévorent les ovisacs. Ce qui peut rendre des ovisacs plus appétissants, c'est quand ils sont par exemple composés partiellement d'œufs non fécondés riches en nutriments. C'est le côté plus sympa de ce genre de leurre que produit Fuconia. Une sorte de cadeau empoisonné. Encore une fois, à partir d'un processus simple, même si là on est déjà dans le très très subtil, l'évolution peut mener à des summums de complexité. Ainsi, les ovistacs de Ptychobranchus occidentalus et de Ptychobranchus subtantum ressemblent respectivement à des poissons et des pupes de muches noires. Ces ovisacs sont accompagnés d'une sorte de fil gélatineux qui, à l'instar de l'exemple précédent de l'Ampsilis preovalis, permet à l'édifice de se coller à un substrat et agiter l'extrémité de l'ovisac dans un courant de la rivière. Allez, une dernière technique pour finir. Certaines de ces moules utilisent un mécanisme encore différent, celui du filet. Strophitus undulatus pond des œufs qui s'agglutinent les uns aux autres pour former des sortes de fils. Lorsque ceux-ci sont relâchés, ils s'entrecroisent pour former un réseau. Chaque œuf va alors éclore et les glochidas vont rester accrochés à la surface des œufs. L'ensemble prend l'apparence d'un réseau de fils barbelés. Qui s'y frotte, s'y pique. Un poisson qui passe malencontreusement par là se verra recouvert de glochidas. Si avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu que la chanson « À la pêche aux moules, moules, moules » devrait plutôt donner « Quand les moules pêchent, pêchent, pêchent ». Et voilà. Preuve. Ah, il est fort ce Nico. Il sait même imiter le Père Castor. T'as vu ça? Ah non, c'est assez génial. Toutes les astuces évolutives. Bravo Nico et bravo. C'est Pierre Kerner qui avait écrit Oui, ouais, c'est un article de Pierre. c'est ça, c'est L'original, tiré, ouais. c'est tiré de son blog Strange Stuff and Funky Things. Ouais, Marco, tu ne seras pas dispensé de quote en anglais pour autant. Bien essayé. On a Yves dans la chatroom qui nous dit que les techniques de drague humaine font pâle figure à côté. C'est vrai, la nature C'est réserve vrai, des ouais. surprises. J'avoue. Toi, tu avais fait un dossier hein, sur un lampe silice, Marco. Oui, j'avais fait un petit dossier, un des tout premiers, sur la lampe silice. C'est vrai que c'est une boule quand même extraordinaire, quoi. Enfin, moi, ça m'avait épaté, quoi, la première fois que j'avais lu ça. Ça m'avait vraiment épaté, quoi. Ouais, c'est complètement T'avais dingue. parlé du haut Et... poisson, je crois, C'est ça, ouais, en la l'heure technique du. aussi, ouais. Ouais, je trouve ça vraiment fascinant, quoi. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée, là, c'est ce blog audio, parce que je manque tellement de temps, et je pense que beaucoup on doit être dans le même cas, pour lire tous ces articles sur le blog de Topo, tout ça, que les avoir en version MP3, à pouvoir écouter dans les transports en commun. Moi, je trouve vraiment l'idée très chouette. Alors c'est exactement l'idée, effectivement. Les blogs c'est cool, mais c'est vrai que la lecture mobilise toute ton attention, tu peux rien faire d'autre. Alors que l'audio, tu peux faire d'autres choses, quoi. Tu peux conduire, Ouais, tu peux c'est vrai. voyager en train ou autre. Donc ces blogs audio en fait vont être intégrés dans l'émission comme ça a été le cas là, mais on va aussi en faire un fil séparé, un flux RSS à part. On pourra s'abonner que aux blogs audio si ça nous intéresse. On essaiera de mettre en place un player aussi à mettre à la disposition des blogueurs pour qu'ils puissent offrir la version audio de leur billet directement sur leur blog. Bon, là, on en est au début, il faut qu'on se rôde encore, qu'on trouve bien nos marques par rapport à ce truc-là, mais je pense que c'est une expérience qui s'annonce très intéressante. Alors, moi j'adhère complètement, quoi. C'est parfait, bah, tu sais ce Moi qu'il te aussi. reste à préparer pour la semaine prochaine. Ah, je suis dur. Ouais, la prochaine, c'est vrai qu'on va tourner, donc là c'était Nico, et puis le prochain sera Alan, c'est ça? Ouais, c'est possible. Et on y passera tous, Ouais. normalement. Je voulais juste dire encore que ce parasite, donc la moule en question, a fait l'objet d'un FFPM, c'est-à-dire un Freaky Friday Parasite Meme, visible sur nicotube.fr et Strip Science. Donc les Freaky Friday Parasite Meme, c'est un concept sorti des cerveaux fous et de la collaboration complètement improbable de notre Nico national et de notre ami Topo, donc l'auteur du blog. Saft, on va dire, ça va plus vite. C'est à suivre tous les vendredis sur Twitter. C'est le hashtag FFPM. Vous êtes priés de le répandre comme un virus. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de répandre des mèmes, alors profitez-en. Tout à fait. Et puis, bon, j'attendais que Marco lance la suite. On t'a reperdu, Marco? Excusez-moi, non. En fait, j'étais en train de lire la chatroom, D'accord. excusez-moi. Oui, mais du coup, alors j'ai perdu un peu le fil. Bah, c'est pas grave, Donc je te laisse continuer, Alan. on était au moment où on allait revenir sur les émissions précédentes. On va peut-être commencer avec les résultats du concours de la centième. Donc on a deux vainqueurs qui ont trouvé les personnages de Nico cachés dans des dossiers sur le blog. Il fallait s'accrocher pour tous les trouver quand même. C'est Jean-Pierre qui était venu avec nous visiter le CERN l'année dernière et Xav, alias EPO sur les réseaux sociaux pour O Pastis Olive qui ont trouvé la bonne réponse. Donc on trouve le personnage caché dans les dossiers de l'émission numéro 9, l'intelligence de Paul le Poulpe, 19, l'effet placebo, 20, la langue dans laquelle pensent les sourds, 35, la caféine, 47, musique, science et émotion, 54 ou 55, c'était un dossier en deux épisodes, le langage chez l'humain, 59, les planètes habitables, 64, les maladies expliquant le mythe du vampire, 74 ou 74, l'infini, quand il n'y en a plus, il y a Cantor, et puis 100. Le boson de Higgs et la masse de l'univers. Donc il fallait vraiment se taper les dossiers jusqu'au bout, jusqu'au dernier, pour trouver ces personnages. Alors on pouvait gagner n'importe lequel des livres figurant dans notre bibliothèque idéale, pardon. Donc c'est podcastscience.fm/livres, ou le dernier Marion Montaigne, qui vient de sortir mais qui n'y figure pas encore, ou n'importe quel objet de notre boutique. que vous trouvez sur podcastscience.fm/boutique. Alors Jean-Pierre a choisi un livre, c'est La magie du cosmos de Brian Greene. Et si le libraire a dit vrai, ben, l'ouvrage sera dans sa boîte aux lettres samedi. Excellent choix. On vous souhaite bonne lecture, cher Jean-Pierre. Un gros pavé, ouais. Ouais, mais un pavé qu'on ne peut pas lâcher. Ah, moi j'ai adoré en tout cas. Bah, après c'est un sujet qui m'intéresse aussi, donc je pense que Jean-Pierre aussi s'il a choisi. Probablement, bah, peut-être qu'il viendra nous en parler. Ouais, très bien, gros pavé par contre, ouais, j'ai mis un sacré bout de temps pour le lire. Et puis Xav a choisi un t-shirt podcast science manche longue qu'il va arborer fièrement dans les rues de Perpignan pour nous faire un peu de pub. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez nous faire un peu de pub, n'hésitez pas à arborer fièrement vous aussi t-shirt, casquette et même body brandé Podcast Science. D'ailleurs, Nico a conçu un nouveau t-shirt I Love Podcast Science, je trouve qu'il déchire. Et accessoirement, cette semaine, il y a 10 € de réduction pour toute commande de 50 € passée chez Spreadshirt, donc notre boutique de t-shirt est une boutique Spreadshirt. Le code promo, c'est Dixans, D-I. X-A-N-S, tout en majuscule, c'est valide jusqu'au 27 septembre. Et puis, petite astuce, si jamais pour arriver à 50 €, vous pouvez panacher votre panier à partir de plusieurs boutiques Spreadshirt en jouant avec l'URL dans votre navigateur. La vraie adresse de notre boutique, même si elle est intégrée dans le site, par exemple, c'est podcastscience.spreadshirt.net. Celle de Niptech, par exemple, c'est niptech.spreadshirt.net. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez mis un t-shirt dans le panier, paf, vous changez l'URL, vous allez sur l'autre boutique et vous pouvez mettre un deuxième t-shirt d'une autre boutique dans votre panier. C'est plus facile d'arriver à 50 € comme ça. Et du coup, vous aurez vos 10 € de réduction. Voilà, voilà. David, toi, t'as pas de boutique Spreadshirt pour tes podcasts? Non, non, j'ai pas de t-shirt. Y a pas de t-shirt vie artificielle encore. Ça viendra peut-être un jour, mais. Ok, bon, ce sera pour la prochaine promo, si jamais, pour un tir groupé. Et puis, je crois qu'il y avait. Oui, pardon? Non, je disais, en attendant, les auditeurs de vie artificielle peuvent porter des t-shirts podcast science. Ouais, ça reste dans la famille. Et puis encore une dernière chose concernant le concours, comme on est très mal organisé, on a réussi à tout noter sur une fiche manuscrite qu'on a paumée, j'en suis désolé. Si vous avez le souvenir d'avoir gagné quelque chose, manifestez-vous par n'importe quel moyen, vous savez comment nous trouver. Je suis absolument, absolument navré de ça. Tout le monde va se manifester là du coup. Bah, ma foi, allez-y, manifestez-vous, on se souviendra quand même. Il faudra nous raconter comment vous avez gagné quelque chose et puis là on s'en souviendra. Sinon, toujours dans le retour sur la centième, on a eu des commentaires sur la centième, soit sous forme de commentaires, soit sous forme de messages. David, tu peux peut-être nous lire le premier? Oui, alors je vais commencer par un message qui est très très mignon. Salut à tous, j'ai 13 ans et j'écoute vos podcasts depuis le début, avec C'est pas faux. Votre chaîne, comme on l'appelle sur YouTube, est géniale. Franchement, j'ai appris plein de trucs utiles, sauf peut-être les épisodes comme celui avec la théorie des cordes, je crois, ou encore l'histoire de la formation des bulles de champagne, que je n'ai peut-être pas pu suivre, car je me suis embrouillé. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de dessin pour m'aider. Peace, j'ai que 13 ans, même si les mots étaient plutôt simples. Je n'ai aussi pas compris les dossiers impossibles de Mathieu, mais comme le dit le nom, ce sont des dossiers impossibles, donc c'est impossible. Dans le 100e épisode, vers le début, vous dites, je crois qu'il n'y a pas d'enfants qui vous écoutent, mais moi je vous écoute. J'ai adoré les sujets de Han Tuan et ceux du professeur Fon, qui sont super sympas, mais malheureusement j'ai arrêté de vous écouter vers le 30e épisode car j'avais l'école et tout le bazar. Je me suis intéressé à d'autres choses comme des vidéos de jeux d'explosifs, etc. À l'heure actuelle, je suis en train d'écouter le 100e épisode où vous demandez ce que font les gens en vous écoutant. Et bien moi, j'écris ce message qui sera lu. J'ai connu podcastscience.fm par le biais de Han Tuan, que j'ai même rencontré grâce à mon père. J'espère ne pas avoir fait trop de fautes d'orthographe, François. Et pour les fautes d'orthographe, tu n'en as pas fait plus que moi. Alan peut confirmer. Non, bah, en tout cas, c'est super mignon, super sympa. On espère tous, je pense, que tu apprends plein de choses et que tu t'amuses en écoutant Podcast Science et que tu vas continuer à écouter tous les épisodes si tu en as manqué, etc. Mais enfin, je vois que tu dis que tu t'es arrêté 30e épisode, mais t'as écouté le 100e, donc a priori, tu écoutes toujours. Bah ouais, Pierre. Ouais, c'est le genre de commentaire qui nous fait très plaisir, donc faut pas hésiter à laisser des commentaires, nous expliquer comment vous avez connu, par exemple, les épisodes que vous avez préférés, que vous avez moins bien aimés. Donc tout ça nous intéresse, et puis nous fait très plaisir de recevoir ce genre de message. Bah ouais, là, avec juste un message comme ça, on est reparti pour une centaine d'épisodes sans problème. C'est très motivant, c'est vrai. Absolument. C'est pas le seul message qu'on a reçu. Non, Marco, alors est-ce qu'on lit tous Alan, est-ce qu'on a le temps? Ouais, vas-y, c'est vite fait. On arrive au bout. Ok. Alors, je vais lire un message de Gilles. Donc aussi, le sujet, merci à vous pour les 100. Donc, je suis un fidèle auditeur de vos podcasts depuis le tout début. À l'époque, je recherchais un podcast portant sur la science et c'est pile à ce moment-là que vous alliez faire vos débuts. Début très prometteur car j'ai tout de suite été séduit par la grande variété de vos sujets, votre ouverture d'esprit, merci, par la vulgarisation pas trop simpliste, par les gros dossiers de maths de physique ou d'astrophysique prise de tête mais passionnant, par votre ton décontracté et votre exigence de qualité, merci Alan, et j'en passe. Je n'en ai pas loupé, je suis accro, en vous écoutant je me sens moins bête, je vous en remercie grandement et vous félicite tous pour votre persévérance, même pendant les congés d'été. Mais au fait, quel est mon fameux pourcentage de ce qui me reste vraiment de connaissances après l'écoute de Podcast Science, une fois que j'aurai tout oublié? Je ne le sais, mais une chose est sûre, il me restera de superbes souvenirs de tout ce chemin parcouru dans les dédales de la curiosité scientifique, et c'est tellement rare dans les médias habituels. Gilles, avec un petit PS, pour ceux qui habitent l'Alsace, donc je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui habitent l'Alsace, donc il vous conseille une visite à la Cité des Sciences, le vaisseau de Strasbourg, qui est parfaitement adapté pour sensibiliser les enfants à la science en s'amusant. Et donc, qui donne même le site internet www.levaisseau.com. Voilà donc un super message de Gilles qui fait très plaisir aussi. Ouais, bah écoute, moi très je m'engageais plaisir. Déjà jusqu'à l'épisode numéro 200 avec le message de François. Là, je crois qu'on est parti jusqu'au numéro 300 avec le message de Gilles. Ah, un jour, on pourra se faire un best-of des messages. Ouais, c'est vrai. Le plus marrant avec tous les trolls qui ont laissé des commentaires. Peut-être le message d'Herbie pour terminer, qui est très rapide. Elle dit, j'imagine que c'est une elle. Moi, le seul truc qui m'aura déçu sur cette 100e, c'est que Franck ne fête pas la fin de la numérotation suisse. On n'aura plus de débat là-dessus avant le 170e épisode dur. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi Alan n'a pas décidé de numéroter les épisodes par saison pour que la numérotation suisse revienne régulièrement, là, genre saison 3, épisode dans septembre. Ben non, tu vois, avec 50 épisodes par saison, justement, on n'y serait jamais arrivé. La saison 7, on aura même une saison pour relancer le débat. Ouais, mais c'est pas grave, c'est bientôt l'épisode 170, on aura l'occasion d'en reparler. Ok, on va enchaîner rapidement. Là, on arrive au bout de l'émission avec Quiz. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, encore une nouvelle rubrique. Donc, c'est la troisième nouvelle rubrique. Ouais, mais je vous rassure, elle est très courte, celle-là. Donc, c'est Alan qui va vous poser une question. Alors, à toi, Alan. Moi, j'ai envie de lancer une question sur la mémoire des poissons rouges. Les souvenirs des poissons rouges ne durent que quelques minutes, voire quelques heures. Info ou intox, eh ben, enregistrez votre réponse sous forme de commentaires écrits ou audio sur le site podcastscience.fm et on diffusera les meilleurs commentaires audio ou on lira les meilleurs commentaires écrits la semaine prochaine. Ok, et puis on va terminer avec la cote de la semaine. Alors, c'est une citation que j'ai trouvée de Carl Jung. Et elle dit, donc en anglais, « Who looks outside dreams, who looks inside awakes. » D'accord. Bon, heureusement qu'elle est en anglais et pas en suisse-allemand. Ça aurait été plus emmerdant à traduire et sans doute à prononcer. Donc, la traduction, Alan, si tu m'as compris. Alors écoute, je peux traduire littéralement. Maintenant, comprendre, c'est autre chose. La quote donc dit « Qui regarde vers l'extérieur rêve, qui regarde vers l'intérieur s'éveille. » Je t'avoue que j'ai rien compris. Si vous avez compris ce que veut dire cette quote, écrivez-nous. Dites-le nous. En fait, je l'ai choisi parce que je la trouvais assez courte. Du coup, ça D'accord. m'arrangeait pas mal. Donc Comme elle était c'était Carl courte. Jung aussi, bon, ça allait avec. Mais Ouais, par c'est contre, je ça. n'ai pas trop compris. Moi, j'aurais été plus d'accord à la limite avec l'inverse. Ah, c'est peut-être une référence à la psychanalyse. Ouais, peut-être. Ça sent le Ouais, blabla mystique, en tout peut-être. cas. Ouais. Alors, on va lancer une nouvelle rubrique, en fait. On va mettre des codes qu'on n'a pas compris et on demandera aux auditeurs de nous expliquer. C'est une autre forme de quiz, en fait, la côte. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. C'est si vous avez, si la quote vous inspire, si vous avez quelque chose à dire, on diffusera aussi les meilleurs commentaires. Pas de souci. Et puis, on va terminer avec quelques plugs. Donc, tout d'abord, signaler un nouvel épisode de Vie artificielle sur la mémétique. Alors d'ailleurs, il y en avait eu quelques-uns sur Podcast Science, des épisodes sur la mémétique. C'était pas le 68 et le 72 de mémoire? De mémoire, eh ben dis donc, comme ça, j'en sais rien. C'était dans ces eaux-là, en tout cas. C'est probablement ça. On avait d'ailleurs eu quelques soucis techniques. Ils n'étaient pas forcément faciles à écouter ces épisodes. Et puis on avait des invités, c'était un peu parti dans tous les sens. C'était intéressant, mais pour vraiment se faire une idée de la mémétique, je pense que ça vaut la peine d'écouter le 15e épisode de Vie artificielle, donc ton podcast, David. Tu peux peut-être juste nous rappeler où on peut le trouver? Sur vie-artificielle.com et ou sinon taper vie artificielle sur Google, ce sera pas trop dur à trouver normalement. Voilà. Ok, et puis tant qu'on y est, c'est pas ton seul podcast. Oui, alors il y a 12 minutes 2 aussi, mais alors 12 minutes 2, ça va, ça arrive. Je monte un épisode très rapidement qui sera d'ailleurs issu. Je diffuse progressivement les épisodes de l'un du crossover entre guillemets Podcast Science 12 minutes 2 qui a été Sur la diffusé politique. il y a très longtemps sur Podcast Science sur Science et Politique. Ce sera Nico qui parlera. Excellent. Voilà. Parfait. Et normalement, ça devrait arriver très très vite. D'accord. Pour information, Podcast Science est nominé au European Podcast Award. Alors votez pour nous, si vous comprenez comment. Ça, c'est un petit peu compliqué, c'est en flash, mais enfin avec beaucoup de persévérance, on y arrive. On vous met les liens, le lien dans les notes de l'émission. Comme on a très envie d'enfiler un smoking et de monter sur le podium en disant qu'on ne s'y attendait pas du tout, tout ça, ben on s'est inscrit au Golden Blog Awards avant de découvrir que de valeureux compétiteurs y étaient déjà. Alors votez pour nous. J'ai toujours rêvé de remercier toute ma famille. Ouais, hein, on le fait, si on gagne, on le fait. Alors, il faut surtout voter pour nous une fois par jour avec chacun de vos appareils connectés au web à partir de maintenant et jusqu'au 22 octobre prochain. C'est super simple, il y a un gros bouton de vote dans la colonne de droite de toutes les pages du site podcastscience.fm. Bon, vous ne verrez pas les boutons si vous accédez depuis un smartphone. Du coup, vous pouvez vous rendre sur le site des Golden Blog Awards directement. C'est dans la catégorie Science. Et puis, ça vous permettra aussi de voter pour Strip Science. Donc, ce n'est pas des votes mutuellement exclusifs. Vous pouvez cumuler. Et puis, de temps en temps, mais pas trop souvent quand même, hein, d'aider notre ami Topo en votant pour Saft face à des concurrents comme nous, il en aura bien besoin. Ouais, c'est des concurrents, mais c'est un peu la famille aussi. Bah oui. Et puis Si d'ailleurs, on gagne pas et que c'est eux qui gagnent, on sera content quand même. mais bien sûr, absolument. Mais c'est de bonne guerre quand même, il faut entretenir une saine compétition. Et puis vous vous demandez peut-être quels étaient les résultats du vote Pod Radio où vous aviez voté pour nous, c'était avant l'été. Alors là, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait voter pour au moins un podcast dans chaque catégorie, même ceux qu'on ne connaissait pas. Alors voilà, c'est un peu aléatoire. Un immense merci quand même de vos votes. On va dire que c'était un coup d'essai. Les choses sérieuses commencent maintenant avec le European Podcast Award et surtout les Golden Blog Awards. On compte sur vous. Pour information, on avait terminé deuxième dans la rubrique sujet, enfin la catégorie sujets originaux. Le premier podcast, c'était Yata, qui a eu plus de deux fois plus de votes que nous. Je m'étais juré que j'irais l'écouter, mais je l'ai toujours pas fait, quoi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un podcast sur la Japanime en gros. Sur l'animation japonaise, ce genre de choses. Leur D'accord. catégorie était assez hétéroclite, on va dire. Ok. Bon, ben voilà, ça s'appelle Japanime On en apprend décidément Je tous les sais jours. pas s'il faut prendre comme un compliment d'être dans la catégorie sujets originaux. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon, là, avec la science, on est vraiment là où on est censé être, dans les Golden Blog Awards. Vous avez remarqué que c'est la quatrième fois que je le dis. Et puis, on va pas arrêter de le dire, d'ailleurs, jusqu'au 22 octobre. On va vous harceler par tous les moyens de communication possibles. Il faut voter au moins une fois par jour. Voilà. Bah, cette fois, on arrive vraiment tout à la fin de l'émission. On va quand même répéter notre petit rituel avant de vous quitter. Bah, tiens, ça peut être ton bizutage, David. Tu te colles à notre petit D'accord. rituel. Alors, quel va être ce bizutage? De dire de ne surtout pas oublier de noter Podcast Science dans iTunes, de laisser une petite note, un petit commentaire sur le site internet de Podcast Science. Vous trouverez un petit plugin pour mettre des notes aux dossiers qui vous ont plu ou moins plu. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook. C'est facile à retrouver. C'est At Podcast Science sur Twitter et sur Facebook, je pense que c'est Podcast C'est Science et juste ça se trouve Podcast tout de Science. suite après une recherche. Et partagez nos dossiers sur votre réseau social préféré. Ça nous aide à nous faire connaître du plus grand monde. Ça permet de répandre la science autour de vous. Je continue sur la liste. Google+, aussi, pareil, Podcast Science. N'hésitez pas aussi à venir nous ajouter par là-bas. Et toujours, n'oubliez pas les Golden Blog Awards, comme ça, moi aussi je l'ai dit, Voilà, ça fait 5. le European Podcast Awards, Magnifique. et la prochaine émission sera avec Robin Jamais, les nombres premiers. Vous avez entendu le One Minute Pitch tout à l'heure, et ce sera le jeudi 27 septembre à 20h30, si Skype le veut. Exactement, si tout va bien. 20h30 ou 21h comme aujourd'hui, mais de toute façon, on sera là, fidèle au rendez-vous. Bien, ben on est au bout alors. Exactement. Bah, d'ici Voilà. là, excellente semaine à toutes et à tous. Merci à tout le monde dans la chatroom d'avoir été là. À bientôt. À À bientôt, bonne soirée bientôt. tout le monde.